وَهُوَ ثَلَاثُ مَرَاتِبِ. Et il est de trois niveaux. Donc, l'islam est de trois niveaux. Comme le premier niveau, l'islam, وَالْإِمَانُ وَالْإِحْسَانُ. Donc, le premier islam cité par le Cheikh lorsqu'il a dit, le deuxième fondement est la connaissance de l'islam, de la religion, l'islam. C'est l'islam dans le sens, donc regroupant les actes intérieurs, les croyances intérieures et les actes extérieurs. Donc c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné est interdit. Donc l'islam dans le sens des paroles du cœur, les croyances, les actes du cœur, amour, haine, s'en remettre à Allah, l'espérance, la patience, et aussi les paroles de la langue et les actes du corps. Ça, c'est l'islam cité au début par le Cheikh. Le deuxième fondement, la connaissance de l'islam. Ici, il dit « وَهُوَ ثَلَاثُ مَرَاتِبٍ » et il est de trois niveaux. Donc, l'islam est de trois niveaux. Le premier est l'islam. Pourquoi est-ce qu'il dit l'islam est lui-même de trois niveaux, dont le premier est l'islam? Car ici, l'islam, comme je vous l'avais expliqué, il est cité dans le même contexte avec l'iman. Il renvoie donc aux actes extérieurs. Donc, l'islamu, dans ce contexte-là, c'est les actes extérieurs. L'imanu, dans ce contexte-là, c'est les actes intérieurs. Et met toujours en présence le hadith de Jibril, alayhi salam, lorsqu'il est venu au prophète, alayhi salatu wasalam, et qui s'est assis, il lui a dit, « Akhbirni an al-islam, informe-moi au sujet de l'islam. » Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a donc cité les cinq piliers de l'islam que nous allons voir ensuite. Ensuite, il lui a dit, « Akhbirni anil iman, informe-moi au sujet de la foi. » Et il lui a cité les six piliers intérieurs. Et lorsque l'on dit que, cité dans le même contexte, l'islam renvoie aux actes extérieurs et que l'iman renvoie aux actes intérieurs, il ne faut pas comprendre que les actes extérieurs sont isolés et qu'en eux-mêmes, ils composent l'islam. Non. Ce sont les actes extérieurs avec le minima requis d'actes intérieurs authentifiant ces actes extérieurs. Et de même, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Al-Iman » et il cite les six piliers, ces six piliers, pour être authentifiés, requièrent un minimum d'actes extérieurs. Car si on dit que l'islam, ce sont que les actes extérieurs, donc « Al-Munafiqoun », Al-Munafiqoun, ce sont des vrais musulmans. Al-Munafiqoun, ce sont des koufars. Les hypocrites sont des mécréants. Est-ce qu'ils ont la shahada? Est-ce qu'ils ont sur la langue la shahada? La prière, le jeûne, le hajj. Ils ont donc la zakat, ils ont ces piliers-là. Ils ont ce qui, par l'extérieur, prouve que tu es musulman. Mais est-ce qu'ils ont le minima requis intérieur pour authentifier cet extérieur-là? Ils ne l'ont pas. Donc quand on dit « l'islam », ça renvoie à l'extérieur, c'est l'extérieur avec le minima requis intérieur. Donc d'amour, de crainte et autres actes du cœur. Allah dit « قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ » dit « Si vous aimez Allah, suivez-moi. » Donc le suivi extérieur n'est authentifié que si jamais il y a à l'intérieur des actes du cœur. Et de même, lorsque l'on dit « El-Iman », ce sont les six piliers. Peut-il y avoir croyance aux six piliers sans acte extérieur? On avait dit qu'il y avait un minima requis. Au niveau de la langue, qu'est-ce qu'il faut que la personne prononce obligatoirement? Sauf excuse, il est muet, ou bien il est un véritable ikra. Il faut la shahada. Et au niveau du corps, il faut la prière. Ça, c'est pour tout le monde. C'est une condition. S'il n'y a pas prière, il n'y a pas iman intérieur. Il prétend aimer Allah subhanahu wa ta'ala, il prétend craindre Allah subhanahu wa ta'ala, mais il n'a pas d'acte extérieur, ce n'est pas un musulman. Même s'il a des actes, mais il n'a pas la prière est un acte qui est demandé pour pouvoir authentifier l'intérieur. Donc, l'islam, l'iman ou l'ihsan, ce sont trois degrés. L'islam, c'est un degré qui est plus large que l'iman. qui est plus vaste que El-Imen. Et El-Imen, c'est un degré qui est donc plus restreint que El-Islam, mais plus vaste que El-Ihsan. Donc on schématise ça par trois cercles concentriques. Celui qui est le plus à l'extérieur, c'est El-Islam. El-Islam. À l'intérieur, El-Imen. Et encore à l'intérieur, El-Ihsan. Donc, tout croyant, tout mu'min est musulman. Mais pas le contraire. Ce n'est pas tout musulman qui est mu'min. Tout muhsin, toute personne ayant atteint le degré de ihsan, adorer Allah comme s'il le voit, même s'il ne le voit pas, qu'il sache qu'il le voit, il est obligatoirement mu'min. Mais le mu'min n'est pas obligatoirement muhsin. Donc, el-islam, nous avons dit que c'est les actes extérieurs avec le minima requis intérieur authentifiant cet extérieur. Quelqu'un qui est mécréant maintenant, il est mécréant, il vient pour rentrer en islam. Il veut entrer en islam. Quelle est donc la formule ou l'acte ou autre? Qu'est-ce qui le fait entrer en islam? Le shahada. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit à Mu'ad que la première chose à laquelle tu les appelles soit l'attestation qu'il n'y a de divinité qu'Allah. Cette personne-là, lorsqu'elle prononce la shahada, on atteste qu'il est musulman ou bien croyant. Est-ce qu'il entre dans le cercle de l'islam ou bien tout de suite dans le cercle des mu'minines? Des musulmans. Il a donc le statut de musulman. Donc son sang est sacré, ses biens sont sacrés. Il devient notre frère à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala parle des habitants al-A'rab de la campagne qui sont venus au prophète alayhi salatu wasalam qui ont dit « Nous avons cru » après leur entrée en islam. Allah a descendu un verset dans lequel il rejette leur statut d'être croyant mais atteste de leur statut d'être musulman. « قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا » Les A'rab, les habitants de la campagne ont dit « Nous avons cru ». « قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا » Dit « Vous n'avez pas cru ». « وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا » Mais dites plutôt « Nous nous sommes soumis, nous sommes entrés en islam. « وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمْ » Mais la foi n'est pas encore entrée dans vos cœurs. Cette personne, donc, qui a dit la shahada, elle est musulmane. Pour attester de son islam, jusqu'à maintenant, ce qui est requis, c'est d'abord, c'est simplement la shahada. Maintenant, les prières vont arriver. Et cette personne-là, elle va, il est de son devoir d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala. De craindre Allah subhanahu wa ta'ala, de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons dit il y a interdépendance entre les actes intérieurs et extérieurs. Cette personne qui est entrée en islam et qui a fait les shahadas, si on lui dit maintenant, celui que tu dois le plus aimer, c'est Allah, tu ne dois aimer qu'Allah, si tu, une autre personne, une créature, tu dois l'aimer en Allah, pour Allah, et non pas pour elle-même, celui que tu dois le plus aimer, c'est Allah. Est-ce que tu aimes Allah? Qu'est-ce qu'il va répondre? Il va dire oui. L'heure de la prière arrive. Lui, il s'est converti à l'islam à 10h du matin. C'est le dhuhr. Mon frère, celui qui t'a, que tu aimes le plus, il a rendu obligatoire l'islam, il a rendu obligatoire la prière, et il faut qu'on fasse la prière, c'est le dhuhr. Il dit, je ne veux pas. Je n'ai pas. Il ne veut pas encore faire la prière. Il ne prie pas. Arrivé au asr, il est devenu fasiq. Il a fait une kabira, il a sorti la salade de l'heure. S'il repousse encore, et on lui dit, tu aimes Allah? Il répond encore, oui, je l'aime. Là. J'aime Allah. Mais pourquoi tu ne pries pas? Je ne veux pas, ou autre. Arrivé au Maghrib, lorsque le soleil s'est couché, qu'il a sorti le dhuhr jusqu'au Maghrib, il a apostasié et sorti de l'islam. Il prétend toujours aimer Allah. On lui dit, non, tu mens. Si tu aimais Allah, tu te serais prosterné, tu aurais fait ta prière. Et ça, il y a l'ijma'a, comme a rapporté Ishaq ibn Rahawai, il dit... Il est connu du temps du prophète alayhi salatu wa salam jusqu'à notre époque que celui qui ne prie pas la, qui ne fait pas la prière et qui sort une prière jusqu'au temps de la deuxième sort de l'islam. Ça, c'est un ijma' qui a été rapporté par l'imam Ishaq rahimahullah et tous les sahaba étaient en accord unanime là-dessus. Donc, il a pris le statut de musulman avec la shahada. Maintenant, pour authentifier cet amour intérieur, il faut qu'il agisse. Est-ce que n'importe quel acte authentifie l'intérieur et le valide? Il dit, moi, je ne veux pas prier. Je ne veux pas prier. Mais je vais visiter ma mère pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est silat ar-rahim. Allah, il a dit de bien se comporter avec les parents. On authentifie son iman intérieur par cet acte-là. Bien, il se passe le siwak. Je vais me couper la moustache. Le prophète a dit, ne fais pas partie de nous celui qui ne prend pas une part de sa moustache. Il dit, je vais faire revivre cette sunna par amour pour Allah et le prophète. J'authentifie mon hymen intérieur. Il meurt 10 ans plus tard. On a comme acte un raccourcissement de moustache. On dit, il est musulman. Il n'est pas musulman. Ça authentifie pas ça. Ce n'est pas suffisant. Donc la salat est le minimum. Le prophète a dit, entre l'individu et le shirk et le kufr, il y a le délaissement de la prière. Ça, c'est pour tout le monde, la prière. Donc, quand est-ce que la personne pénètre dans l'espace du hymen, c'est quand il fait ce qui est obligatoire et délaisse ce qui est interdit. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et quand je dis interdit, c'est en notion de kaba'ir. En notion de kaba'ir. Donc celui qui ne fait pas de kaba'ir et qui fait ce que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire, il entre dans l'Iman, dans cet espace-là qui est l'Iman. Et donc celui qui fait des kaba'ir, le fornicateur chez Ahl Sunnah Jama'ah, il sort du Iman, donc il sort de cet espace-là, mais il reste dans l'espace de l'Islam. Il est musulman. Mais on ne dit pas c'est un mu'min. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit « La yazni zani hine yazni wa huwa mu'min ». Le fornicateur, lorsqu'il fornique, n'est pas croyant. Les khawarij disent ici, c'est un mécréant, c'est un kafir. Car le prophète alayhi salatu wasalam a dit « Il n'est pas croyant ». Car pour eux, la croyance, la foi est quelque chose qui ne se subdivise pas, contrairement aux gens de la sunna. Alors que la foi se subdivise. Donc, le fornicateur, celui qui boit du vin, celui qui mange les intérêts, le voleur, celui qui fait une kabira, le faux témoignage, il n'apostasie pas par cet acte-là, ou bien par cette parole-là. Mais il sort de l'espace qui est l'Iman, la foi, et reste dans l'autre espace qui est l'Islam. Chez Al-Mu'tazila, ils disent, il est « huwa fi manzilatin bayna al-manzilatin ». Chez les Mu'tazila, ils disent, il est dans un niveau entre deux niveaux. Il est entre la croyance et entre le kufr. Mais ils sont en accord avec les khawarij qui sera éternellement en enfer dans l'au-delà. Le sunnah, non. On dit qu'il est toujours musulman. Mais il n'est pas croyant. Ce n'est pas un mu'min. Et l'ihsan, c'est un degré encore plus restreint, qui est, comme l'a expliqué le prophète, alayhi salatu wassalam, catégorie de gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, comme si le voyez. Donc ce sont des gens très proches d'Allah qui, dans tous les événements qui les entourent, voient hein, et interprètent cela en fonction de ses noms et ses attributs, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un haut degré qu'Allah nous permet de l'atteindre, inshallah. Donc, ce sont trois espaces composant l'islam dans le sens général, dans le sens de la religion, avec tout ce qu'elle comporte de paroles et d'actes extérieurs, de paroles et d'actes extérieurs. Ça, c'est l'islam cité au début par le shirk, lorsqu'il a dit le deuxième fondement, l'islam. Et après, il a dit, donc cet islam-là est composé de trois niveaux, et il a cité comme premier niveau l'islam. Donc l'islam ici, c'est dans le sens restreint lorsqu'il est accompagné du iman, donc les actes extérieurs, et le iman, les actes intérieurs. Et quand on dit les actes extérieurs, c'est les actes extérieurs avec le minima requis intérieur authentifiant ces actes extérieurs, et le iman de même, ce sont les actes intérieurs avec le minima requis authentifiant les actes. Avec le minima requis des actes extérieurs authentifiant les actes intérieurs. Wa kullu martabatin laha arkan. Et tout niveau, donc chacun de ces niveaux, a des piliers. دليل ذلك شيخ العثيمين دي لابروف دو سوسي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جاء جبريل عليه السلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وبين له صلى الله عليه وسلم ذلك وقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Cheikh Al-Uthaymeen dit la preuve de ceci, donc de ces trois niveaux. D'où est-ce que le shir tire cela? Cheikh Al-Uthaymeen dit que la preuve de ceci se trouve dans le hadith rapporté par le commandant des croyants, Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه. Lorsque Jibril donc, est venu questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'islam, de l'iman et l'ihsan, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a montré ceci en disant à la fin, ceci est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Donc votre religion est composée de ces trois niveaux-là, al-Islam, al-Iman et al-Ihsan. Fa'arkanul Islam et Khamsa, les piliers de l'islam sont au nombre de 5. Donc le pilier, dans la langue, c'est le côté solide, la partie solide d'une chose. Et c'est ce par quoi est authentifiée une chose. C'est une composante de la chose sans laquelle il ne peut y avoir existence de celle-ci. Donc le pilier, l'absence de pilier dans la langue arabe implique l'absence de la chose, de la notion composée par ce pilier-là. Dans le shara, on ne répond pas obligatoirement à cette règle-là. Il se peut qu'une chose soit nommée comme étant pilier, mais que sa disparition n'implique pas obligatoirement la disparition de la chose composée par cela. Et on va le voir ça dans le hadith d'Ibn Omar, radiyallahu anhumah. Donc il dit, rahimahullah, fa'arkanul islam et khamsa. Les piliers de l'islam sont au nombre de 5. Cheikh Al-Uthaymin dit, dalil ou dhalika hadith ibn Omar radiyallahu anhuma, qala al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, bunya l'islam ala khams. La preuve de ceci est le hadith ibn Omar radiyallahu anhuma qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam a été construit sur 5 choses. Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad ar-Rasulullah, l'attestation qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Ça c'est le premier pilier. Wa iqami salah, ça c'est le deuxième pilier. Wa ita'i zakah, et donner la zakat, troisième pilier. Wa sawmi ramadan, et le jeûne du mois de ramadan, quatrième pilier. Wa hajji al-bayti, wa hajji bayti al-haram, et le pèlerinage à la maison sacrée, cinquième pilier. Donc ici, les 5 piliers ont été cités par le prophète alayhi salatu wa salam. Est-ce que la disparition d'un de ces piliers implique la disparition de l'islam selon la ville plus authentique? Non. La disparition de la shahada implique la disparition de l'islam. La disparition de la prière implique selon la ville plus authentique chez Ahl Sunnah et l'avis de la plupart des muhaqqiqin, des savants, donc qui ont vérifié cette divergence-là, et ils disent que l'avis le plus authentique est que le délaisseur de la prière est un mécréant. Même s'il y a divergence au sein de Ahl Sunnah au niveau de ce statut-là, le statut du délaisseur de la prière. Celui qui délaisse la zakat, l'avis plus authentique c'est qu'il n'est pas mécréant, bihawlillah azzawajal. Celui qui délaisse le jeûne du mois de Ramadan, wal'ilmu indallah aussi, il reste musulman. Est-ce qu'il est mu'min? Il n'est pas mu'min, il est musulman. وَحَجِّ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ, celui qui délaisse le pèlerinage aussi, بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ, reste musulman et n'est pas mécréant. فَدَلِيلُ الشَّهَادَةِ, donc le shaykh va apporter ici l'épreuve de ces piliers-là, de la shahada, ensuite du reste des piliers. Il dit donc, rahimahullah, فَدَلِيلُ الشَّهَادَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى, la preuve de la shahada est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Surat Ali Imran, verset 18. La preuve de la shahada est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah shahida, a attesté. Allah a attesté. أنه لا إله إلا هو, qu'il n'y a pas de divinité en dehors de lui, qu'il n'y a pas de divinité méritant l'adoration, qu'il n'y a pas de divinité réelle en dehors de lui. Shahida, ce mot shahida, hein, il implique la certitude dans la langue arabe. La shahada implique la certitude. Il n'y a pas de shahada avec une pensée majoritaire. Quelqu'un va au juge et veut faire une shahada. Je pense qu'un tel a volé. Je pense qu'un tel a fait le faux témoignage. Je pense qu'un tel a fait telle chose. C'est accepté? Non. Il faut qu'il y ait al-qata'. Il faut que son avis soit tranchant à 100%. Donc le mot shahida, il a ce sens-là. Il a aussi d'autres sens. Hakama, Allah a commandé. Qada, Allah a décrété. Allah a décrété, Allah a commandé, Allah a attesté qu'il n'y a de divinité que lui. Subhanahu wa ta'ala. Donc simplement de cette expression-là, on prend que les actes font partie intégrante donc de notre dîn. Il ne peut y avoir de shahada sans actes ensuite. Pas de shahada valide sans qu'il y ait naissance d'actes suite à celle-ci. Car le mot shahida implique hakama. Allah a ordonné un la ilaha illahu. Et qu'est-ce que al-ilah nous avions dit? Al-ma'boud. Al-ma'boud, c'est l'adoré. C'est celui que l'on vise. C'est celui auquel on obéit. En faisant ce qu'il a ordonné, en délaissant ce qu'il a rendu interdit. Allah n'a pas dit, qala Allahu, la ilaha illahu. Allah a dit, il n'y a de divinité que lui. Non, shahida. Et le mot shahida dans la langue arabe renvoie à plusieurs sens. Donc il y a la notion de qat'a, d'avis tranchant, de témoignage. Aussi, hakama, il a ordonné, qada, il a décrété. Et lorsque un terme dans le Coran peut accepter plusieurs sens, et que le Coran lui-même, la sunna ou bien l'ijma' ne vient pas spécifier qu'un seul sens est visé par Allah subhanahu wa ta'ala, on se doit d'accepter tous les sens. Shahida, shahida Allahu annahu la ilaha illahu wal mala'ikatu. Ainsi que les anges. Les anges aussi ont attesté ceci, qu'il n'y a de divinité qu'Allah. Wa ulul ilm, et les gens de science. Qa'imam bil qist. Par équité, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il est qa'imam bil qist. Par équité, subhanahu wa ta'ala, il a attesté ceci. Et qui a attesté avec lui? Al-mala'ika. Wa ulul ilmi, et les gens de science. Et ça, comme disent beaucoup de savants, c'est une grande manqaba, c'est une grande éloge faite, un grade donné aux anges ainsi qu'aux gens de science. Cheikh Al-Uthaymeen dit, fil ayatil karimati, shahadatullahi li nafsihi bi annahu la ilaha illa hu. Il y a dans ce verset noble l'attestation d'Allah pour lui-même qu'il n'y a de divinité que lui. Wa shahadatul malaikati, ainsi que l'attestation des anges. Wa shahadatu ahli al-ilm bi dhalik, ainsi que l'attestation des gens de science, donc de ceci, ils attestent de ceci. Wa annahu ta'ala qa'imun bil qist, et il est aussi mentionné dans le verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc agit par équité subhanahu wa ta'ala. Ay al-'adl, donc la justice. Thumma qarrara dhalika bi qawlihi, et ensuite il a établi cela subhanahu wa ta'ala par sa parole, la ilaha illa huwa al-'aziz al-hakim. Pas de divinité en dehors de lui, al-'aziz, le puissant, al-hakim, le sage. Wa fi hadhihi al-ayati manqabatun 'azimatun li ahli al-'ilm, et dans ce verset donc il y a une grande éloge faite aux gens de science. حَيْثُ أَخْبَرَ أَنَّهُمْ شُهَدَاءُ مَعَهُ, du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a informé qu'ils sont des attesteurs, des témoins avec lui subhanahu wa ta'ala. وَمَعَ الْمَلَائِكَ, et avec les anges. وَالْمُرَادُ بِهِمْ أُولُو الْعِلْمِ بِشَرِعَتِهِ, et qu'est-ce qui est visé par ces gens de science? C'est les gens ayant la science de la sharia, de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَدْخُلُ فِيهِمْ دُخُولًا أَوَّلِيًّا رُسُولُهُ الْكِرَامِ, et les prophètes nobles entrent donc dans les gens de science de manière la plus prioritaire. Je continue les paroles de Cheikh Al-Uthaymeen. وَهَذِهِ الشَّهَادَةُ وَأَعْظَمُ شَهَادَةٍ لِعِظَمِ الشَّهِدِ وَالْمَشْهُودِ بِهِ, et cette shahada, cette attestation, est la plus grande attestation, et le plus grand témoignage du plus grand témoin, du plus grand témoin pour la plus grande chose de laquelle on témoigne. فَشَاهِدُ هُوَ اللَّهُ, le témoin est Allah. وَمَلَائِكَتُهُ, ainsi que ses anges. وَأُولُو الْعِلْمِ, ainsi que les savants. وَالْمَشْهُودُ بِهِ, وَالْمَشْهُودُ بِهِ, ce de quoi on atteste, donc ce de quoi on témoigne. تَوْحِيدُ اللَّهُ, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. فِي أُولُوهِيَّتِهِ, dans sa divinité. وَتَقْرِيرُ ذَلِكَ, donc, et l'établissement, la preuve de cela, la ilaha illahu al-aziz al-hakim, il n'y a de divinité en dehors de lui, al-aziz, le puissant, al-hakim, le sage. Ça c'est une ayah azima, ayyuha al-ikhwa, dans laquelle il y a une grande éloge faite aux gens de science. Et Allah lui-même a donc attesté de son unicité subhanahu wa ta'ala. Wa ma'naha, et son sens, donc le sens de la ilaha illallah. Ça c'est très important, il faut comprendre cette parole que l'on prononce dans notre prière, dans notre tashahhud, que que le mu'adhdin prononce, que les musulmans prononcent, que les gens prononcent pour entrer en islam. Cette parole-là qui, hélas, n'est pas comprise par beaucoup aujourd'hui. Wa ma'naha et son sens. La ma'bouda bihaqqin illallah. Donc cette parole, la ilaha illallah, le cheikh dit que le sens, c'est la ma'bouda bihaqqin illallah. Nous avions vu pourquoi nous disons la ma'boud. El ilah, c'est un fi'al bima'na mif'oul. El ilah bima'na al-ma'louh. Comme Al-Kitab, bima'na al-maktoub, le livre dans le sens de l'écrit. Al-Firash, ce que l'on pose par terre, dans le sens de ce qui est posé. Al-Mafrouj, Al-Ghiras, la plantation dans le sens Al-Maghrous, le planté. Donc Al-Ilah dans le sens de Al-Ma'louh, Al-Ma'boud, l'adorer. Donc La-Ma'boud, pas d'adorer. Illallah, sauf Allah. Cela en arabe, là, La, c'est un La d'affirmation. Il y a plusieurs la. La tachrouj, ne sort pas. C'est un la d'interdiction. La tachrouj, ne sort pas. Ce n'est pas ce la là qu'on a. Là, c'est un la d'affirmation, de négation. La ma'bouda, il n'y a pas d'adoré. Illallah sauf Allah. En arabe, là, ce la, il demande un nom. Et il demande un ism, un nom et un khabar. Donc une locution ou une expression qui va informer. Qui va informer qu'est-ce qui est infirmé. Pas d'adorer. Pas d'adorer quoi? Pas d'adorer existant? Non. Ça, c'est les philosophes, les falasifa, qui ont dit ça. La ma'bouda, la ilaha, mawjoud, illallah. Ça, c'est faux. Car Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, a attesté qu'il y a d'autres ma'boudettes, d'autres adorés. Aja'ala al-alihata ilahan wahida. Est-ce qu'il a fait donc de toutes ces divinités un seul Dieu? Donc Al-Ma'boud, dans la langue arabe, on n'observe pas est-ce que c'est un vrai ou faux Ma'boud. Est-ce que c'est un adoré bihaq, c'est-à-dire qu'il mérite l'adoration, et ici il n'y en a qu'un, c'est Allah, ou bien que c'est un adoré dans le faux. Donc la pierre, pour celui qui l'adore, est un ilah. La statue, pour celui qui l'adore, c'est un ilah. Etc. Un shir devant lequel on se prosterne, on croit qu'il connaît l'invisible, on lui fait des demandes, des du'as, on égorge pour lui, c'est un ilah pour ses adeptes, pour ses adorateurs. Est-ce que c'est un ilah au haqq? Est-ce que c'est une vraie divinité? Non. Allah dit « ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ » Et c'est ainsi, et ceci car Allah est al-haqq, est la vérité. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ Et que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. Donc de ce verset-là, on va tirer le khabar de la locution ou bien l'expression qui va terminer l'information de cette phrase-là. Car il y a un sous-entendu dans la ilaha illallah. La ilaha, donc la ma'boud, bihaq, ou bien haqqun. Ce que l'on rejette par notre « la », qu'est-ce que l'on rejette? C'est le mérite d'être adoré. On rejette à toute autre divinité qu'Allah, pas son existence, car elle est existante. La pierre est devant moi. Quand je dis « la ilaha », elle ne se détruit pas, elle est toujours devant moi. Je dis « la ilaha illallah », il y a toujours des gens qui l'adorent. C'est un ilah, oui. Un ilah méritant l'adoration, un vrai ilah, non. Donc, qu'est-ce que je rejette en disant « La ilaha » dans mon nefi, c'est le nefi de quoi? L'affirmation du mérite. C'est le rejet du mérite d'être adoré. Donc, le khabar, l'information sous-entendue par l'expression, c'est « haqqun » ou bien « bihaqin ». Donc, « la ilaha haqqun ». Il n'y a pas de divinité réelle. « Illallah » sauf « Allah ». Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas dans l'affirmation faite dans la première partie de la shahada. Pas de divinité digne d'être adorée. Sauf Allah. Donc je rejette toutes les divinités dans la première partie sauf Allah. Dans la langue arabe à la base tu rejettes tout. Même Allah à la base dans la langue arabe. Mais on ne le fait pas ça parce que ça c'est du kufr sinon. Personne n'est digne d'être adoré, Allah compris, sauf Allah. Non ça c'est une contradiction. Personne, aucune divinité ne mérite d'être adorée, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est l'ithbat. Donc, c'est pour ça que le shaykh a dit « La ma'bouda bi haqqin illallah ». Et « la ma'boud », c'est important. Al-Asha'ira, ils ne vont pas dire « la ma'boud ». La majorité vont dire « la khaliqa ». La khaliqa, pas de créateur, illallah. Et ça, c'est faux. Car le tawhid ne se fait pas qu'au niveau de la rububiyya. Ne se fait pas qu'au niveau de la rububiyya. Et nous avions dit que donc cette shahada, la ilaha illallah, elle correspond au tawhid de la divinité par synonymie. Par synonymie. Elle correspond au tawhid de la rububiyya par contenance. La ilaha illallah contient la khaliqa illallah. La ilaha illallah est synonyme de la ma'bouda illallah. Donc celui qui dit le sens de la ilaha illallah, c'est la khaliqa illallah. On lui demande qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il signifie par cela. Est-ce qu'il vise la synonymie que la ilaha illallah, ça a pour sens, de manière superposée, la ilaha illallah, c'est le synonyme de la khaliqa illallah. C'est faux ça. C'est faux. Car le tawhid ne se fait pas qu'au niveau du khalq, qu'au niveau des actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est insuffisant. Il faut aussi le tawhid au niveau de nos actes. Donc celui qui dit ça, on demande le détail. S'il dit, non je le dis dans le sens parce que la ilaha illallah contient cela. On lui dit, ton explication là, que tu viens de dire, c'est vrai. Ce n'est pas faux, mais il ne faut pas expliquer la ilaha illallah par la khaliqa illallah. Donc les prophètes, alayhum salatu wa salam, est-ce qu'ils ont appelé au tawhid al-rububiyya? Ne vous pressez pas. Une question, elle est précise, il faut bien l'écouter. Est-ce que les prophètes ont appelé au tawhid de la seigneurie? Alayhum salatu wa salam. Ils ont appelé à la contenance et leur appel. Centré, oui, non. Oui, oui. Oui, ils ont appelé à ça. Est-ce que les prophètes ont appelé qu'au tawhid de la seigneurie? Non. Non. Donc tawhid al-rububiyya, ça entre dans la da'wah des prophètes, alayhum salatu wassalam. On a dit qu'il n'y a pas de tawhid sans tawhid al-rububiyya. Les prophètes sont venus et n'en ont pas parlé. Ils ne l'ont pas développé à leur peuple. Non, ils l'ont développé. Mais la ma'araka, la bataille, a lieu au niveau de tawhid al-uluhiyya, au niveau du tawhid de la seigneurie. Donc la ma'bouda, ça c'est important pour répondre à des tafsirs erronés. Comme le tafsir Ash'ari des soufis, la khaliqa. Bihaq, ça c'est l'information sous-entendue dans la ilaha illallah qui est importante pour répondre aussi à d'autres. Certains disent la ma'bouda mawjoud, pas d'adoré présent, illallah. Non, ça c'est faux, c'est démenti par le Coran. Allah a attesté de la présence de ces adorés, de ces divinités. Ou bien la ilaha, donc mawjoud c'est faux. Ça, c'est les philosophes qui disent ça. Donc, nous, on dit que l'information sous-entendue, c'est bihaq. Illallah, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le shaykh a dit ce que je viens d'expliquer. La ilaha nafiyan jami'a ma yuhbadu min dunillah. Donc, c'est l'affirmation, le rejet de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Illallah, muthbitan al-ibadata lillahi wahdahu la sharika lahu fi ibadatih. Donc, confirmant l'adoration d'Allah, pour Allah, wahdahu, seul, unique, la sharika lah, sans aucun associé, fi ibadati. Kama annahu la sharika lahu fi mulkih. Donc, c'est la confirmation de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, seul, unique, sans associé. Donc, dans son adoration, il dit, tout comme il n'a pas d'associé dans son royaume, dans sa rububiyya. Et ça, le shir ici fait un raisonnement analogique. Un raisonnement analogique, donc de la partie du tawhid sur laquelle il n'y a pas de divergence, il raisonne sur cette partie pour montrer que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'associé aussi dans l'autre partie avec laquelle on diverge, avec les mécréants ou avec les kuburines ou autres, selon laquelle ils acceptent qu'il y ait du shirk dans l'uluhiyya, mais refusent pourtant qu'il y ait du shirk dans l'rububiyya. Donc Quraysh, si on leur demandait qui a créé les cieux, Allah qui a créé la terre, Allah qui fait descendre la pluie, Allah. Mais dans l'ibada, ils associent Allah subhanahu wa ta'ala. Ici le shirk dit, tout comme il n'a pas d'associé dans sa seigneurie, de même il n'a pas d'associé dans sa divinité. Et donc ici une parole, je reviens de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, par rapport à une ambiguïté que je viens d'expliquer, il dit يتبين الجواب عن الإشكال التالي. Donc il dit en sous-entendant la locution bihaq, pas de divinité réelle sauf Allah, en sous-entendant la locution réelle, l'information réelle. Il dit, on a une réponse donc à l'ambiguïté suivante. وَهُوَ كَيْفَ يُقَالُ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ. Comment peut-on dire لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ, il n'y a pas de divinité sauf Allah, مَعَ أَنَّ هُنَكَ أَلِهَةً تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ, alors qu'il y a pourtant des divinités présentes adorées en dehors d'Allah. وَقَدْ سَمَّهَ اللَّهُ تَعَالَى أَلِهَةً, alors qu'Allah les a nommées comme étant des divinités. وَسَمَّهَا عَابِدُوهَا أَلِهَةً, et ceux qui adorent ces divinités-là, eux aussi les ont nommés comme étant des divinités. وَقَدْ سَمَّهَا اللَّهُ تَعَالَى, قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى, Allah a dit, فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ, لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ. Il dit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsque l'ordre de ton Seigneur est venu, les divinités, donc ils invoquaient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne leur ont servi à rien. Donc Allah les a qualifiés comme étant des divinités. وَكَيْفَ يُمْكِنُ أَن نُثْبِتَ الْأُلُوهِيَّةَ لِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالرُّسُلُ يَقُولُونَ لِأَقْوَامِهِمْ اُعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ. Et comment peut-on donc confirmer la divinité à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que les prophètes disent à leur peuple, adorez Allah, vous n'avez pas de ilah en dehors de lui. Vous n'avez pas de ilah en dehors de lui. Alors que Allah a nommé les autres divinités comme étant des ilah. Et la réponse à cela, il dit وَالْجَوَابُ عَلَى هَذَا الْإِشْكَالِ, et la réponse à cette ambiguïté, يَتَبَيَّنُ بِتَقْدِيرِ الْخَبَرِ فِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ فَنَقُولُ هَذِهِ الْآلِهَةُ الَّتِي تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ هِيَ آلِهَةٌ لَكِنَّهَا آلِهَةٌ بَاطِلَةٌ لَيْسَتْ آلِهَةً حَقَّهُ. Il dit la réponse à cette ambiguïté, donc, est éclaircie lorsque l'on sous-entend comme information à la ilaha illallah, on dit donc bihaq. Il faut que l'on dise bihaq. Il dit car donc ces divinités-là qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des divinités, mais sont des divinités fausses, nulles, et ne sont pas des divinités réelles. وَلَيْسَ لَهَا مِنْ حَقِّ الْأُلُوهِيَّةِ شَيْءٌ, elle ne possède en rien le droit donc d'être adoré. وَيَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى, et il dit, ceci est montré par la parole d'Allah, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ, ainsi car Allah subhanahu wa ta'ala est الحق, وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ, et ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux, وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ, et Allah est le très haut, le très grand, subhanahu wa ta'ala, surat al-Hajj, verset 62. Donc c'était des paroles de Cheikh Al-Uthaymin concernant ce paragraphe-là. وتفسيرها الذي يوضحها, et l'explication donc qui éclaircit le sens de la ilaha illallah, قوله تعالى, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc observez, le cheikh toujours apporte des versets afin de fonder ses paroles et de les prouver, car de lui-même il ne peut pas comme ça établir de telles choses. Donc le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala montrant l'explication de la ilaha illallah est le verset suivant. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Et lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple, إِنَّنِي بَرَاءٌ, je suis désavoué, je me désavoue, مِمَّا تَعْبُدُونَ, de ce que vous adorez. Et dans l'autre verset que nous avions cité dans Surat al-Mumtahina, Inna bura'a'u minkum, nous nous désavouons de vous. Car ici dans le verset, il est dit nous nous désavouons, nous sommes désavoués de ce que vous adorez. Il n'est pas cité donc de l'adorateur, de la personne. C'est cité dans Surat l'Éprouvé al-Mumtahina. Et lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple, nous sommes donc dans le désaveu de ce que vous adorez, sauf celui qui m'a créé, فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ, il me guidera. وَجَعَلَهَا, et il en a fait donc de la ilaha illallah كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ, et il en a fait une parole donc qui restera éternelle fi aqibih, dans sa descendance, la'allahum yarji'un, afin qu'ils reviennent à elle. Donc ce verset montre qu'Ibrahim a dit à son père, à son peuple, innani bara'um mimma ta'budun. Donc je me désavoue de ce que vous adorez. Ceci correspond à quelle partie de la shahada? La ilaha illa alladhi fatarani, sauf celui qui m'a créé, illallah, illallah. Donc on a un nafyu, l'affirmation dans innani bara'um mimma ta'budun. Je me désavoue de ce que vous adorez. Illa alladhi fatarani, sauf celui qui m'a créé. Ça c'est illallah, c'est la confirmation que seul Allah subhanahu wa ta'ala est digne d'être adoré. Et innani bara'um mimma ta'budun, on a aussi la preuve de al-bara'atu min al-mushrikin vu auparavant. Fa innahu sayahdin, car il va me guider. Cheikh al-Uthaymin dit fa innahu sayahdin sayadulluni ala al-haqq wa yuwaffiquni lah, il va me guider vers la vérité et me permettre donc de la pratiquer. Wa ja'alaha, et il en a fait, ay hadhihi al-kalima wa hiya al-bara'atu min kulli ma'budin siwa Allah, et il va faire de cette parole, qui est donc le désaveu de tout adoré en dehors d'Allah sauf Allah subhanahu wa ta'ala, wa ja'alaha kalimatan baqiya, et il en a fait une parole éternelle, donc fi aqibih, dans sa descendance, ay fi dhurriyyatihi la'allahum yarji'un ay ilayha min ash-shirk, afin qu'ils reviennent donc de l'associationnisme vers cette parole-là. Wa qawluhu, est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qui explique encore un autre verset qui explique la ilaha illallah. Qul ya ahla al-kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'buda illallah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Dit aux gens du livre, chrétiens et juifs, ta'alaw ila kalima, venez à une parole, venez à une parole. Cheikh Al-Uthaymin dit hadhihi al-kalima hiya an la na'buda illa Allah, cette parole c'est que nous n'adorions qu'Allah, wa la nushrika bihi shay'a, et que nous lui associons rien. Donc c'est ce qui va être expliqué par Allah, wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Donc cette parole, quelle est-elle? C'est que nous n'adorions qu'Allah, وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا, et que nous ne lui associons quoi que ce soit. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ, et que nous ne prenions pas donc de adorer arbab, le pluriel de rab, de seigneur, مِنْ دُونِ اللَّهِ, en dehors d'Allah. Donc la ilaha illallah est composée de cela, أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ, et c'est la parole médiane devant laquelle nous et les gens du livre nous sommes. Donc, sawa'un baynana, nous sommes égaux. C'est une parole devant laquelle nous sommes égaux. Quelle est cette parole-là? Nous n'adorons qu'Allah. Deuxième composition qui est en réalité donc intégrée par la première, et que nous ne lui associons rien. Ça c'est intégré dans Allah na'buda illallah. C'est intégré dans le tawhid. Mais par insistance, Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ, et que nous ne prenions pas d'adorer de Seigneur en dehors d'Allah. Ceci aussi est intégré dans أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهُ ou pas? Oui, c'est même intégré dans وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا. Car les chrétiens prenaient leurs prêtres, leurs curés, leurs rabbins, etc. comme Seigneur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est cité dans le hadith de Adi ibn Hatim. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a récité. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ils ont pris donc leur personnalité religieuse, rabbin et autres, comme étant des seigneurs en dehors d'Allah. Adi ibn Abi Hatim a dit, inna lasna na'buduhum, nous ne les adorons pas. C'est-à-dire, nous ne prosternons pas devant eux, pensant que l'adoration s'arrêtait à cela. Il a dit, n'est-ce pas que lorsqu'ils rendent quelque chose licite, vous le rendez licite, et lorsqu'ils interdisent quelque chose, le rendez illicite, vous le rendez illicite. Il a dit na'am, il a dit fatil ka ibadatuhum, il a dit allez, leur adoration. Donc il ne peut y avoir de tawhid si Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas pris comme seul gouverneur. Ensuite, que dit Allah subhanahu wa ta'ala? Fa in tawallaw, et s'ils se détournent, fa qulu shahadu bi anna muslimun, et s'ils se détournent, dit nous attestez. Donc dis-leur aux gens, à ces chrétiens-là, attester que nous sommes musulmans. Là, il y a un rebondissement qui est important. c'est, j'en ai déjà parlé, la da'wa de s'unir avec les chrétiens, c'est nos frères, etc. Et ça, c'est un délit utilisé par beaucoup de gens comme ça. Ils te citent ce verset-là. « Ô gens du livre, venez à une parole médiane entre nous et vous. » Oui, mais c'est quoi la parole médiane? Il y a le tafsir, qu'on n'adore qu'Allah et qu'on ne lui associe rien. C'est des mouchriks, ceux qui sont assis avec toi. Et qu'on ne prenne pas donc, d'autres adorés en dehors d'Allah. Et surtout, fini. « Fa'in tawallaw » à la fin de l'assise, là. S'ils ne veulent pas, là. Les chrétiens et les juifs qui sont en face de toi. « Fa'qulu » C'est une obligation. Ça, c'est le « bara' min al-lisan ». « Fa'qulu shahadu » Attestez-vous, là, que nous, nous sommes musulmans. Sous-entendant que vous êtes des koufars. C'est pas on se sépare à la fin. On se voit mardi prochain à quelle heure? Sur le planning, on met au fluo. On se voit à 18h. Toi, t'amènes les cacahuètes, lui les chips. Lui, il amène le coca et lui, on se réunit. Ça fait 6 mois, 5 ans qu'on se voit. On a des très bonnes relations avec tel imam. On a de très bonnes relations avec tel prêtre, tel curé. Ils sont représentatifs de la tolérance demandée par les religions au sein de ce pays. Non, tout ça, c'est de l'égarement, ça. Donc, « Faqoulou shahadou bi anna muslimoun » Dites-leur, attestez que nous sommes musulmans et que vous êtes des koufars. « Wa dalilu shahadati anna muhammadan rasulullah » Et la preuve de l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la parole d'Allah. « Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minin ra'ufur rahim » Vous est venu un messager de vous. Donc, de vous. Allah n'a pas descendu un ange ou envoyé un djinn. Il a envoyé un humain parce que les humains, pour qu'ils se sentent tranquilles et qu'ils se familiarisent à ce messager, il faut qu'il soit donc de leur espèce. Azizun alayhi ma anittum. Donc c'est pour lui difficile de voir ce que vous supportez, vos difficultés. Cheikh Al-Uthaymeen dit ayashqu alayhi ma shaqqa alaykum. Il est difficile pour lui ce qui est difficile pour vous. Harisun alaykum. Donc il est quelqu'un qui est très attentif, très soigneux par rapport à vous. C'est quelqu'un qui prend soin de vous apporter le bien et de repousser le mal contre vous. C'est quelqu'un qui a beaucoup donc, d'affection, de rahma, de miséricorde pour les croyants. وَخَصَّ الْمُؤْمِنِينَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَأْمُورٌ بِجِهَادِ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْغِلْضَةِ عَلَيْهِمْ Cheikh Al-Uthaymeen dit, et Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié que cette affection et cet amour, donc cette miséricorde est pour les croyants, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu le devoir donc de combattre les mécréants ainsi que les hypocrites et d'être dur envers eux. Et ces qualités-là, Cheikh Al-Uthaymeen dit, montrent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est réellement le messager d'Allah. Donc tous les versets qualifiant le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant messager d'Allah sont une preuve qu'il est un messager. Notamment le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammadun Rasulullah, surat al-Fath, verset 29. Muhammad est le messager d'Allah. Wa ma'na shahadati anna Muhammadan Rasulullah, et le sens de la shahada, anna Muhammadan Rasulullah, que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette personne attestant, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Quel est le sens intégré par l'expression wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah? Quel est le sens intégré par cela? Car il faut bien comprendre, c'est important mes frères, que les expressions apportées par le char, par la législation, ne sont pas des prononciations simplement. Ce sont des prononciations comportant un sens. La ilaha illallah est une prononciation comportant un sens. Comportant cette condition. La première, al-ilm. Donc la science. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a de divinité qu'Allah. S'il n'y a pas ilm, il n'y a pas tawhid. La seconde, as-sidq, la véracité. Idha ja'aka al-munafiqun, qalu nashhadu innaka la rasulullah. Lorsque te viennent les hypocrites, ils disent, nous attestons que tu es le messager d'Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Et Allah sait que tu es son messager. Wallahu yashahadu innal munafiqina lakadhibun. Et Allah atteste que les hypocrites sont des menteurs. Donc s'il n'y a pas véracité, il n'y a pas donc tawhid. De même, il faut aussi al-yaqin, la certitude. Celui qui doute voit sa shahada annulée. De même, il faut al-mahabba, l'amour. Donc l'amour d'Allah, l'amour des croyants, l'amour du din. S'il n'y a pas amour, il n'y a pas tawhid. Walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Et les croyants donc sont encore plus amoureux, donc ils font preuve d'amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut donc al-ilm, la science, al-sidq, la véracité, al-yaqin, la certitude, al-ikhlas, la sincérité, qui va à l'encontre du shirk. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ, n'est-ce pas, qu'appartient à Allah, la religion pure, et il n'aura pourtant été ordonné que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, avec sincérité, حُنَفَاءَ, c'est-à-dire se détournant du shirk et s'orientant vers le tawhid et en étant constant sur ce dernier. De même, il faut al-inqiyad, la soumission, al-inqiyad, qui va à l'encontre du tark, du délaissement. S'il n'y a pas soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et que la personne a simplement une prononciation qu'il ne pratique pas, il n'est pas musulman. Aussi, il faut al-qaboul, al-qaboul de toute chose, accepter toute chose. Al-inqiyad, la soumission, il faut que il se soumette de manière générale à tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala donc a ordonné, qu'il délaisse ses interdits. Mais est-ce que faire n'importe quel interdit annule la ilaha illallah? Non. Quelqu'un qui serre la main à une femme sort de l'islam? Quelqu'un qui mange de la main gauche sort de l'islam? Quelqu'un qui vole sort de l'islam? Non. Mais il y a des actes qui sont obligatoires. La prière, prendre le prophète alayhi salatu wasalam comme jugé par les... ne pas juger par d'autres lois qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut délaisser ce qu'on appelle nawaqid al-islam, les actes annulatoires de l'islam. En revanche, al-qaboul, donc l'inqiyad, c'est en lien avec l'extérieur. Al-qaboul, l'acceptation, il faut tout accepter là. Là, il n'y a pas de chose, c'est parce que c'est du kufr, je suis obligé de l'accepter, mais par exemple, le caractère légitime, légiféré du siwak, je le refuse. Non, celui qui refuse le caractère légitime du siwak, après l'établissement de la preuve, est un kafir aussi. Il dit, en islam, il n'y a pas de siwak, ça n'existe pas. On lui dit, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. Si je ne voulais pas trop surcharger ma communauté, je leur aurais ordonné le siwak à chaque prière. Il dit, non, mais moi je l'accepte pas cette législation. Il reste musulman? Il reste musulman ou pas? J'accepte pas ça, ce que tu viens de dire là, non. Pour moi, le siwak, ça n'existe pas en islam. Il a annulé aussi sa shahada. Donc, al-qaboul, il faut tout accepter. L'inqiyad, la pratique, c'est autre chose. Celui qui ne pratique pas le siwak reste musulman. Celui qui n'accepte pas le siwak après que le hadith authentique le soit apporté sort de l'islam. Donc les expressions apportées par le char à la législation comportent des sens. Muhammadur Rasulullah, ça a aussi un sens, hein, comportant ce que le shir va citer. Ta'atuhu fima amar. L'obéissance à ce qu'il a ordonné. Donc obéir au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Celui qui n'obéit pas de manière absolue au prophète alayhi salatu wa salam. Il dit, j'atteste que Muhammad ibn Abdillah le Quraishit est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais je ne lui obéis à rien. Elle est acceptée cette shahada? Non, cette shahada ne peut pas être acceptée. Ta'atuhu fi ma amar. L'obéissance à ce qu'il a ordonné. Wa tasdiquhu fi ma akhbar. Croire en ce qu'il a informé. Ici, il y a des tailles. Je crois à certaines choses et d'autres je ne crois pas. Il est obligé de croire à tout. Et délaisser ce que le prophète alayhi salatu wasalam a interdit et réprimandé. Donc de même, il faut intérioriser, avoir cette volonté de tout délaisser. Mais après, le délaissement extérieur, c'est autre chose. Il y a des choses, si elles sont délaissées comme la prière, ça annule l'islam. Celui qui délaisse, faire pousser la barbe, le hijab, une sœur qui n'a pas le hijab, elle n'est pas kafira. Tant qu'intérieurement, elle intériorise le caractère obligatoire du hijab. Si elle dit « je fais ce que je veux », comment ça tu fais ce que tu veux? C'est mustahab. C'est dans le mustahab tu fais ce que tu veux. Dans le wajib, tu ne fais pas ce que tu veux. C'est obligatoire. Tu es dans le péché là. Et non, je ne suis pas dans le péché, moi ce n'est pas une obligation. Ça, elle a annulé son islam, notamment si elle vit dans une ambiance où elle est en contact avec les gens de science et qu'elle peut apprendre sa religion. Si jamais elle vient juste d'entrer en islam et qu'elle est dans une contrée éloignée de la science et qu'elle ne peut pas accéder à la science, elle ne sort pas de l'islam avant l'établissement de la preuve. Sinon, elle sort de l'islam tout de suite. Comme celui qui dit que le vin est licite, ou que l'eau est haram. وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ et que ne soit adoré Allah que par ce qu'il a légiféré. Donc ça c'est pour éviter les bid'a, les innovations. Le prophète alayhi salatu wa salam a été envoyé et il ne faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala que par ce qui a été légiféré par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça ce sont des choses qui sont interdépendantes et interpénétrées. تَعَتُهُ فِي مَا أَمَرَ donc obéir à ce qu'il a ordonné, ça sous-entend bien aussi, bien sûr, qu'il faut croire en ce qu'il a informé. Et c'est aussi le délaissement de ce qu'il a interdit. Et ça entre aussi dans l'adoration d'Allah par ce qu'il a légiféré. Donc ce ne sont pas quatre parties complètement indépendantes les unes des autres. Donc là, on termine, hein, ça va aller beaucoup plus vite. Donc, et là, le dalil de la prière et de la zakat, wa tafsir al-tawhid, l'explication du tawhid de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisina lahu ad-din en lui vouant un culte exclusif hunafa'a, donc déviant du shirk, délaissant le shirk et visant le tawhid et en étant constant sur ce dernier, wa yuqimu as-salata et en pratiquant la prière, wa yu'tu az-zakah et en donnant az-zakah wa dhalika dinu al-qayyimah, et telle est la religion donc droite. Surat al-Bayyina verset 5. Donc le verset est clair inshallah. Wa dalil as-siyam et la preuve du jeûne, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé afin que vous craigniez. Il vous a été prescrit, donc il vous a été rendu obligatoire le jeûne. Donc c'est une obligation, un pilier de l'islam. Tout comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait ressembler notre jeûne au jeûne de ceux qui nous ont précédé. Les savants disent, c'est une ressemblance dans la prescription. Il vous a été rendu obligatoire comme il a été rendu obligatoire à ceux qui vous ont précédé. D'autres disent qu'il vous a été rendu obligatoire dans la forme, le jeûne du mois de Ramadan, comme le jeûne du mois de Ramadan était obligatoire à ceux qui vous ont précédé. Certains disent que c'est simplement une ressemblance dans le statut, l'obligation, mais qu'il ne jeûnait pas le mois de Ramadan avant. Jeûnait autre chose. Mais notre jeûne est obligatoire, c'est Ramadan, eux c'était un autre jeûne que le mois de Ramadan et qu'il était obligatoire. D'autres disent que c'est dans la forme, c'est-à-dire dans la forme, dans la période ou bien même dans ses règles. Wallahu a'lam. Wa dalil al-hajj est la preuve du hajj, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa lillahi 'ala an-nasi hajju al-bayt man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin, sourate Ali Imran verset 97. La preuve du hajj, la parole d'Allah, et il appartient à Allah, donc envers les gens, il est du devoir des gens par rapport à Allah de faire le pèlerinage à la maison sacrée pour celui qui en a les moyens. Donc ça, on le cherche dans les livres de fiqh. Hein. Le détail, on ne le détaille pas ici. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ. Et celui qui mécroit, donc délaisser le hajj, c'est de la mécroyance, mais du kufr, donne à kufr. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ. Allah est riche. Il se passe des mondes, subhanahu wa ta'ala. Donc on a terminé simplement le premier niveau de l'islam. L'islam dans le sens de notre religion, il comporte trois niveaux. Al-Islam, dans le sens des actes extérieurs, avec le minimum requis intérieur pour authentifier cet extérieur. Al-Iman, qui est les actes intérieurs, les six piliers, avec le minimum requis extérieur pour authentifier cet intérieur. Et Al-Ihsan, ce sont trois cercles concentriques de plus en plus restreints. Al-Islam, le plus grand, à l'intérieur de Al-Islam, Al-Iman, à l'intérieur de Al-Iman, Al-Ihsan. Tout croyant est musulman, mais pas tout musulman est croyant. Pas obligatoirement. Le croyant, on le qualifie aussi comme étant musulman. Mais le musulman n'est pas obligatoirement croyant, alors que le croyant est obligatoirement musulman. Le muhsin, le bienfaiteur, je n'aime pas trop cette traduction, l'excellent, le muhsin, on garde le terme arabe, le muhsin est obligatoirement croyant et musulman. Mais le croyant n'est pas obligatoirement muhsin. Donc on a terminé cette partie-là, on entrera dans Al-Iman, très important, Inch'Allah, la semaine prochaine. Bihawlillah, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.